بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث الرابع بعد المياه، فقط خيام حديث. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم لشيء يستره من الناس فأراد أحد أن يحتاز أن يجتاز بين يديه، نعم، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيطان. Donc, dans ce hadith, Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, a dit qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que si l'un d'entre vous fait la salat vers une chose qui le protège des gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle une sutra, et que quelqu'un veut passer devant lui, alors qu'il le pousse. Et si jamais il insiste, alors qu'il le repousse plus fort encore, car il n'est qu'un shaitan. Non. Fayakul Fadilat al-Shir ibn Uthaymin, al-Rawi huwa Abu Sa'id al-Khudri. C'est Abu Sa'id al-Khudri dont on a déjà parlé auparavant. Il yakul, fil sharh al-Ijmali, explication globale du hadith, yurbiru Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, anna usami al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, يأمر من صلى إلى شيء يستره من الناس أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، فإن امتنع أن يندفع ويرجع دافعه بشدة حتى يرجع ويندفع. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه شيطان، حيث إن مروره يفسد على المصلي صلاته أو ينقصها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه dit avoir entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonner à celui qui fait la salat à une sutra pour le protéger des gens, que si quelqu'un veut passer devant lui alors qu'il le repousse, et que si jamais il insiste, comme dans le hadith, alors il le repousse plus violemment afin qu'il délaisse cela. Et la cause de ceci, c'est qu'il s'agit d'un shaitan, ce qui permet d'être plus violent avec lui, plus brutal avec lui, du fait que le fait de passer devant lui, cela va amener à altérer sa salat ou en réduire de sa récompense. Ça ne va pas la couper complètement, mais ça va en réduire de sa récompense. Comme on avait parlé hier, contrairement à le sujet de la femme, ou de l'âne ou du chien noir. Eux, ils coupent la salat. La salat est devenue invalide. Non. Yakul fi fawaid al-hadith mashru'iyati daf. Qu'il est légitime de repousser quelqu'un qui veut passer entre celui qui fait la salat et sa sutra. Thaniyan, anna mudafa'atahu takun bil ashal fal ashal fa'in aba qatalahu linu shaitan. Et ce qui montre que la façon d'agir, c'est de le pousser. Ça veut dire, tu commences par un repoussement, on va dire, léger. Et plus la personne insiste, plus tu le pousses violemment. Car il s'agit d'un shaitan. Thalithan, tahrim al-murur bayna yaday man salla ila shay'in yasturuhu min an-nas, li'anna al-murur min a'mal ash-shaytan, qu'il est interdit de passer devant quelqu'un qui fait la salat, justement, vers une sutra. Car cela est parmi les actes de shaitan. Wa rabi'an, mashru'iyati al-haraka fi salat al-musallitiha. Limaslahatiha, afwan. Qu'il est légiféré justement de bouger dans la salat lorsqu'il y a un intérêt. Et on précise que la salat à la sutra, c'est un sujet de divergence. Des ulama disent que c'est juste recommandé et d'autres disent que c'est obligatoire. Et le call que c'est obligatoire est plus fort du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, a ordonné de le faire et que lui-même a toujours fait salat vers une sutra de son acte. Qu'il a toujours fait salat vers une sutra, à tel point que même en voyage, il transportait avec lui une petite lance pour en faire une sutra lorsqu'il fait salat dans le désert, dans des lieux vides, dans des lieux espacés. Donc le call que cela est obligatoire, c'est un call qui est plus fort. Allahu ta'ala alam. Et celui, par exemple, qui ferait salat sans avoir de sutra, par exemple, tu vois au masjid, tu vois quelqu'un qui fait la salat, il n'a pas de sutra. Quelle distance t'es-il interdit de dépasser afin de passer devant lui? Car maintenant, on dit un long masjid devant toi. Est-ce que toute la distance qui est entre lui et par exemple, le premier obstacle qui aurait un pilier ou un mur, tu n'as pas le droit de passer devant lui, et là, tu laisses une distance de 3 coudées à peu près. L'équivalent de 3 coudées. Et de là, tu peux passer au-delà de cela. Ce n'est pas sutra. 3 coudées. Tu vois ton coude à toi, tu fais cela, ça mesure 3 fois, ce qui ferait un peu plus d'un mètre, à peu près. Et de là, au-delà de de cette distance-là, tu peux passer devant lui. Voilà. هذا الذي ردنا اليوم بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين